Vous écoutez France Culture. Deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux ruines et à leur histoire. Ruines antiques ou ruines contemporaines, de pierre, de terre ou de béton, nous évoquerons pendant cette semaine leur réalité bien sûr, leur caractère tangible à ces ruines, mais aussi leur puissance imaginaire et fictionnelle. Hier d'ailleurs, nous évoquions ces questions avec Alain Schnapp, historien et historien de l'archéologie, qui nous a raconté comment il avait présenté aux auditeurs du Louvre son histoire universelle des ruines qui lui permet ces temps-ci d'écrire un livre sur ce thème. Demain, nous allons nous demander comment préserver aujourd'hui des ruines en danger, qu'elles soient des ruines antiques comme celle de Pompéi ou des ruines beaucoup plus récentes comme celle d'Oradour-sur-Glane. Jeudi, nous vous proposerons un cas d'espèce, celui des ruines de la Commune de Paris qui donnèrent lieu à un tourisme mémoriel, à un tourisme de ruines à la fin du 19e siècle. Il y a beaucoup de guides et de textes qui racontent justement les récits de voyageurs visitant les ruines de la Commune et la destruction de certains monuments parisiens. Et aujourd'hui, eh bien nous allons nous promener dans une ville reconstruite, quasiment entièrement reconstruite après la guerre civile libanaise, à savoir Beyrouth, en compagnie d'une historienne de l'architecture, Cécilia Pierry, et d'un architecte libanais, Habib Debs. Il nous raconte comment, au bout du compte, eh bien cette ville a fini par éliminer quasi totalement les traces de la guerre civile qui a touché le pays pendant plus d'une dizaine d'années. Nous voici donc pour une promenade urbaine dans la ville de Beyrouth en compagnie d'Habib Debs. Bonjour Habib Debs. Bonjour. Vous êtes architecte et urbaniste ici à Beyrouth. Vous avez longtemps travaillé à Paris en France, mais vous êtes revenu pour travailler dans cette ville qui est en complète reconstruction et qui est un endroit qui, j'imagine, pour un architecte et un urbaniste, c'est un endroit intéressant. Reconstruire sur des ruines, imaginer une autre façon de concevoir la ville, ça doit être intéressant. Absolument, absolument. En fait, Beyrouth est une ville quand même qui se reconstruit sur elle-même en permanence, qu'il a fait à plusieurs reprises dans l'histoire, justement notre ville où nous nous trouvons, donc la rue Maharad, qui aujourd'hui qui était jusqu'à il y a quelques temps la rue la plus animée le soir dans le centre-ville, et que les Libanais considèrent comme faisant partie de leur patrimoine, en fait, a été construite. Au départ, c'est les Ottomans qui ont rasé cette partie de la ville médiévale. Et pour commencer cette opération d'urbanisme qui a été continuée par les Français sous le mandat et qui aujourd'hui est considérée comme faisant partie du patrimoine libanais, alors que c'est surtout une vision de l'Orient par des architectes français qui l'ont construite à l'époque. Voilà. Alors on est avec aussi Cécilia Pierry. Bonjour Cécilia Pierry. Bonjour Emmanuel. Vous êtes donc responsable de l'Observatoire urbain à l'Institut français du Proche-Orient. Vous êtes spécialiste d'autres villes que de Beyrouth, puisque vous êtes spécialiste de la ville de Bagdad, en particulier en Irak. Mais vous vivez ici depuis longtemps et nous sommes dans un endroit qu'il nous faut peut-être décrire, Cécilia Pierry. Nous sommes sous deux arbres, deux ficus. À côté de nous, une statue de bronze représente visiblement Samir Kassir, puisque nous sommes place Samir Kassir. Samir Kassir, grand journaliste, grand intellectuel, grand historien de Beyrouth aussi, il faut bien le dire, mort tragiquement dans un attentat à la voiture piégée. Donc, et dans cette petite place, toute petite, nous avons autour de nous peut-être ce qui pourrait déjà nous rassembler autour de la question de cette reconstruction de la ville de Beyrouth, à savoir des pastiches d'un art béroutin supposé, des immeubles très neufs que l'on pourrait trouver à la Défense ou dans un quartier d'affaires à Londres, et puis derrière nous un immeuble neuf aussi, mais qui tente de reprendre peut-être certains des motifs d'une architecture donc de pierre ici à Beyrouth. Qu'est-ce que c'est cet endroit et que peut-on en dire quand on le voit ici en tant qu'observatoire de l'urbain, justement? Cet endroit est assez complexe parce qu'en fait, il se situe à la fois au cœur du centre-ville et pratiquement à la jonction entre donc la ville ancienne, ou la partie la plus ancienne de la ville, et le début des quartiers du péricentre. Et en fait, c'est une sorte d'amalgame ou de patchwork, comme vous l'avez dit, entre différents styles, différentes époques, et je pense aussi différents esprits. Samir Kassir incarne un esprit béroutin qui avait tendance à assimiler le passé pour projeter un futur à partir de ce passé de façon très dynamique. Je pense que des gens comme lui, il y en a encore au Liban, mais pas beaucoup. Et donc, je pense que les gens qui aiment bien le faux neuf ou le neuf imitant l'ancien sont très nombreux. Et ça pose des problèmes sur le plan urbain, mais aussi probablement sur le plan socio-urbain. Alors, il faut dire que nous sommes dans cet ancien cœur. Qu'est-ce que c'était ici pendant la guerre ou juste après la guerre? Est-ce que vous pouvez nous décrire, Ibdev, ce qu'était cet endroit donc pendant la guerre ou à la sortie de la guerre? En fait, c'était la reconstruction de Beyrouth. Ce qu'il faut voir, c'est que c'était aussi une démolition, une grosse démolition, sans doute plus importante que la démolition de quelques années de la guerre elle-même. Dans ce sens où le centre-ville était, effectivement, ses rues étaient désertées, la plupart des bâtiments étaient criblés de balles, avec des effondrements, des trous d'obus, les rues étaient jonchées de gravats. C'était une zone ici spécialement où il n'y avait pas grand monde parce que c'était vraiment la ligne de séparation entre les deux côtés de Beyrouth. Et petit à petit, je me souviens, je suis rentré à Beyrouth à cette époque, donc juste au début de la période de la reconstruction. Les téléphones ne marchaient pas. Je me souviens, je vois encore dans mon bureau en train d'attendre pendant 10 minutes pour qu'on ait la ligne. Et en fait, il y a un chemin énorme qui a été franchi pendant ces 5 premières années de reconstruction parce que tout a été reconstruit, le réseau routier, des infrastructures, pas seulement les bâtiments dans le centre-ville, mais c'est un effort général sur l'ensemble du pays. Ce qui par ailleurs a pesé aussi économiquement qui continue à peser lourdement, c'est le problème de la dette du Liban. Pour cette reconstruction, le Liban a dû dépenser 40 milliards de dollars, et dont la plupart, pas seulement ici dans le centre-ville, mais aussi à l'aéroport, aussi dans les autoroutes, etc. Donc aujourd'hui, on est dans un centre-ville reconstruit, mais que en partie. D'où aussi ce côté un peu paradoxal, parce que effectivement, là, les quartiers qui sont reconstruits, c'est en fait surtout des quartiers réhabilités, avec quelques bâtiments nouveaux. Mais les quartiers séparant le centre où nous nous trouvons et la ville est tout de même entouré d'un vaste champ de grands parkings, c'est-à-dire la construction attendue du centre-ville qu'on attend en fait depuis. Depuis 1991 et qui aujourd'hui, pour de nombreuses raisons très complexes, n'a pas lieu. Alors oui, c'est le problème, on le comprend quand on est ici, on est dans un quartier qui pourrait être, je l'ai dit, un quartier d'affaires ailleurs, dans une autre ville d'Europe par exemple. C'est le problème de la couture entre ce centre-ville dont il faut dire, parce qu'on ne l'a pas encore dit, Cécilia Pierry, qu'il est privatisé, c'est une société privée qui s'appelle Solidaire, qui a été voulu par Rafik Hariri et qui existe encore aujourd'hui, qui a reconstruit, d'ailleurs de belle manière, des bâtiments anciens qui étaient très abîmés, et construit des bâtiments neufs à côté de ces bâtiments anciens. C'est-à-dire, je crois qu'une des caractéristiques de l'action de la société Solidaire, dont Rafik Hariri était le principal actionnaire, tout en étant à l'époque à la fois le Premier ministre, donc il y avait quand même une proximité entre le pouvoir et l'immobilier. Sa caractéristique, son slogan à l'époque, c'était « Beyrouth, ancient city of the future ». C'est-à-dire que Solidaire a commencé par à la fois lancer des grandes campagnes de fouilles au moment de la reconstruction et projeter une sorte de cité idéale où tout le monde devait être réconcilié, parce que c'était le nœud entre le passé et le futur devait servir à réconcilier. Le problème, c'est que ce faisant, on a mis de côté, d'une certaine façon, le présent, c'est-à-dire que tout ce qui aurait pu servir de rassemblement des gens habitant ici et maintenant dans le centre-ville, comme c'était le cas autrefois, notamment parce qu'il y avait les souks, n'a pas été traité de cette façon, et des choix ont été faits pour privilégier un certain type de structure, un certain type d'habitat, un certain type de public qui n'était plus du tout le public d'autrefois, notamment parce que, par exemple, les transports publics ont complètement disparu à cette époque. Alors, vous êtes venu d'ailleurs à l'Ibdeps avec des vieux numéros de National Geographic qui vantait justement le Beyrouth d'avant la guerre, puisque c'est des monuments qui datent de 1970 pour l'un. Et une de ces photos montre ce centre-ville où nous sommes, donc très aseptisé, des petits oliviers, une sorte de grande fontaine avec des galets gris au fond. Pour l'instant, la fontaine n'est pas inondée, mais elle l'est régulièrement. Et des rues qui descendent en pente vers la mer. Qu'est-ce que c'était auparavant, quand on regarde ce numéro du National Géographique? C'était des souks, en fait, des souks orientaux, en l'occurrence? Oui, il y avait les deux. C'était un souk quand même déjà occidentalisé. Le souk n'étant qu'une toute petite partie du tissu médiéval qui avait survécu jusqu'à... mais qui avait déjà été bien rongé par un processus de reconquête du centre. Alors c'est très étonnant. Ce qu'il faut voir, c'est que Beyrouth, pendant la période du mandat, c'était quand même la seule ville de l'ensemble des pays où les Français sont intervenus, donc en Afrique du Nord. On a toujours reconstruit la ville à côté de la ville, mais pas sur la ville. C'est-à-dire que toutes les kasbahs, la ville ancienne de Rabat, d'Alger, etc., se sont refaits à côté et non pas sur la ville. Et Beyrouth est une exception. C'est une exception où on a été construire l'endroit le plus dense de la ville. C'est-à-dire là, on a mis les tours, les gratte-ciels, les coefficients les plus hauts sur ce centre-ville. D'où ce paradoxe qu'on va avoir au long de cette promenade, on va voir tous ces grands buildings, des immeubles qui viennent s'implanter entre des maisons de deux étages, souvent d'une très grande valeur historique ou patrimoniale, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, on était mal parti déjà depuis très très longtemps. Alors justement, je vous propose de quitter cette place Samir Kassir ici pour aller un tout petit peu plus loin dans ces bâtiments qui ont été donc construits du temps du mandat et qui ont été des sortes de pastiches peut-être de ce que les Français imaginaient être l'architecture orientale. On s'y rend, on en discute tout à l'heure quand on s'y retrouve. Est-ce que c'était le cœur de la ville coloniale, pourrait-on dire, au temps du mandat ici, c'est-à-dire dans des grands immeubles qu'il nous faut décrire là aussi, grands immeubles de 3 ou 4 étages avec des balcons, de la pierre, une très belle pierre, en l'occurrence de pierre, ocre, et puis évidemment des arcades qui sont caractéristiques de ce qu'on peut imaginer être un art oriental, en l'occurrence à Vibdebs. Ça date du mandat. Absolument. Ça date du mandat. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir... il y a quand même un petit air de Paris dans cette rue, parce que c'est un urbanisme quand même de gabarit, et l'articulation des façades, et on le sent très bien. C'est un art consommé chez les Français au moment où ils sont venus au Liban. Donc voilà, on retrouve un peu la même chose en Afrique du Nord, dans les grandes villes d'Afrique du Nord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des Beyrouthains considèrent cette architecture, ce centre-ville, comme étant faisant partie de leur patrimoine. Peu de gens savent l'histoire. En fait, ça remonte il y a plus de 100 ans. Donc, bon, c'est quand même un endroit, un ancrage dans la ville. C'est la ville dense, c'est la seule ville où on voit des rues, parce que dès qu'on va un peu plus loin que le centre, le tissu se distend. On a construit avec les principes du mouvement moderne, donc des tours qui sont très hautes, des parkings au niveau du rez-de-chaussée. Donc, c'est pas des espaces de qualité. Alors qu'ici, il y a cette qualité urbaine qui est là, mais dont le vécu par les habitants est très aléatoire. C'est-à-dire que là, justement, on le disait, cette rue est grouillée de monde, surtout des touristes, il y a à peine 2 ans. Aujourd'hui, elle est boudée et les touristes sont allés dans d'autres endroits dans la ville, notamment hors du centre-ville, mais aussi à Zeytouna Bay, etc. Oui, Cécilia Péry, c'est vrai que c'est très étonnant. On semblerait presque dans une ville fantôme à la De Chirico, par exemple, ou à la Paolo Uccello, c'est-à-dire que très belle perspective, très beau travail architectural, une magnifique horloge au sommet d'une tour, au milieu d'une place qui s'appelle la Place de l'Étoile. Une très belle qualité architecturale et néanmoins peu de monde sous ces arcades, des magasins fermés, comme si évidemment cette partie de la ville avait été légèrement abandonnée alors que c'est le centre-ville. Mais c'est-à-dire qu'il y a deux raisons. Il y a une raison conjoncturelle qui est liée à des raisons politiques, c'est-à-dire que la plupart des touristes qui fréquentaient cet endroit étaient des touristes en provenance du Golfe, et pour des raisons politiques, ils ne viennent plus au Liban depuis 2 ans, jusqu'au jour où ils reviendront. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a une autre raison qui fait que le centre-ville a été reconstruit. Il n'a pas été reconstruit pour la population. Il a été reconstruit pour une population qui a les moyens de dépenser de l'argent dans des magasins de luxe. Donc pour vraiment une très haute société ou des gens venant de l'étranger avec de très gros moyens. Donc en fait, la population de Beyrouth, celle qui vivait ici ou celle qui venait ici avant pour acheter, ne vient plus. C'est-à-dire que c'est une sorte de... Un jour, je parlais avec un historien de la ville de Beyrouth qui me disait c'est un petit peu comme les Champs-Élysées, c'est-à-dire que c'est un endroit où au fond les Beyrouthins ne viennent pas sauf par exemple quand ils ont des amis touristes à qui il faut montrer ce à quoi ressemblait Beyrouth avant, mais ce n'est plus la Beyrouth qui vit. Alors pourtant, quels efforts ont été faits pour pouvoir remettre ces bâtiments qui étaient criblés de balles il y a encore 7 ou 8 ans? Tout à fait, ce qu'il faut dire c'est que le travail de restauration a été magnifique, quoi. Toutes les pierres ont été remplacées par des plaquettes venant de la même carrière. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est le paradoxe qu'au moment où elles ont été réhabilitées, le coût de la restauration rendait ces bureaux, ces espaces plus chers que le marché. C'était assez paradoxal. Bon, les prix ont beaucoup évolué depuis, évidemment, vers la hausse. Bon, ces immeubles auraient pu accueillir du logement social, par exemple. C'est tout le paradoxe du positionnement du centre-ville. C'est-à-dire comment ce centre-ville est vendu à la fois aux Libanais et aux gens de l'extérieur. Alors, on va cheminer vers l'autre partie de la ville, juste à quelques pas d'ici, c'est-à-dire du côté de la place des Martyrs. Habib Debs, vous nous disiez il y a un instant que effectivement cet urbanisme du centre-ville avait été préservé, 4, 5 étages, 6 étages au maximum. Là, on est à quelques dizaines de mètres de l'endroit où nous nous trouvions, dans ce centre historique, donc construit et voulu par les Français au moment du mandat au Levant. Et là, on se trouve face à une sorte de no man's land, pourrait-on dire. Il y a d'abord visiblement des fouilles qui sont sur devant nous. Si on se tourne sur la gauche et qu'on va vers la mer, on voit le port derrière, avec évidemment des paquebots, mais aussi des bateaux de pêche. Et puis... évidemment de grandes grues qui permettent de transporter en particulier les conteneurs peut-être. En face de nous, de grands immeubles qui, eux, font plutôt une vingtaine d'étages. Et puis, derrière, on voit Beyrouth New Icon, donc Under Construction, un autre bâtiment qui est en train de se construire à vitesse grand V avec des grues qui sont derrière, qui ne sont pas des grues du port, mais qui sont des grues de construction. Qu'est-ce que cet endroit et qu'est-ce qu'on peut en dire au point de vue de la reconstruction, destruction, feuilletage de la ville de Beyrouth ici à Habib Debs? Bon, là, donc vous disiez l'icône, effectivement, ce bâtiment-là qui se vend comme icône résume un peu toute notre affaire. Donc, en dehors du centre-ville, chaque bâtiment est une icône. Il est conçu par un architecte, un démiurge qui peut faire donner la forme qu'il veut tant qu'il est dans les règles, dans la densité qui elle-même aussi est excessive. Un objet, quoi. Donc c'est des objets, c'est une collection d'objets. Et ces objets ont cassé la ville qui existait avant, c'est-à-dire cette ville méditerranéenne avec des petits toits rouges qui descendaient vers le port qu'on voit ici. On voit tout à fait par hasard, parce qu'à cause des destructions de la guerre, sinon on n'aurait jamais vu la mer de ce point de vue. Voilà, donc la place des canons, c'était le cœur battant de la ville de Beyrouth. Historiquement, avant, c'était la place qu'on voit ici, c'était à l'extérieur des murs de la ville. C'est-à-dire là où on est debout, là on est sur le rempart de la ville qui a été démoli en 1850. Et juste un peu plus loin, c'est le champ archéologique où on a exhumé le mur de la ville de Beyrouth entre les années 4000 et 3000. C'est-à-dire que les fouilles archéologiques qui ont été permises par la reconstruction, en fait par la démolition des bâtiments qui étaient là, a permis de donner à la ville de Beyrouth 1000 ans de plus dans l'histoire. C'est ce glacis qui entourait cette ville dont personne ne connaissait l'existence à partir de sources historiques. Voilà, c'était une découverte. Cécilia Pierry. Là, c'est vraiment un emblème de l'anarchie urbaine. C'est-à-dire que, d'une part, on a une place qui est transformée en une sorte de gigantesque chantier de permanent, barré au fond par une rocade urbaine, barré à l'autre extrémité par une autre rocade qui sépare de la mer, avec en toile de fond toutes les échelles que l'on peut imaginer de construction, depuis la maison à toit rouge jusqu'au tour de 30 et plus étages, puisque celle qu'on voit au fond va faire 52 étages. Ah oui. Hein ? Donc, c'est l'anarchie urbaine. Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'il n'y a pas de plan régulateur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la pancarte que vous voyez derrière, la Beirut New Icon, il y a 15 jours, elle était de l'autre côté de l'immeuble. Donc, je pense qu'ils ont dû juger qu'il y avait plus de monde qui la verrait d'en bas de la place plutôt que d'en haut. Donc, ça veut dire, je pense que c'est assez curieux de penser que 25 ans après la fin de la guerre, Beyrouth est toujours en construction et elle se cherche une identité, et je pense que cette affiche est vraiment le signe qu'elle n'a pas trouvé son identité, mais malheureusement on n'a pas l'impression que les moyens lui sont donnés pour trouver vraiment une identité. C'est une sorte de jaillissement probablement néolibéral, hein. Il ne faut pas avoir peur de dire le nom, je pense que c'est vrai, c'est typiquement une expression de la construction néolibérale sans régulation et sans désir d'unification collective. Mais quel bonheur, non pas pour un urbaniste, mais pour un architecte, d'une certaine façon. Le démiurge architecte qui veut créer son objet, sa belle tour, comme on a pu en avoir aussi à Berlin au moment de la reconstruction de la Potsdamer Place, par exemple, qui ne donne pas véritablement là non plus un sens urbain très, très fort, eh bien, il a une sorte de terrain de jeu gigantesque dans une ville comme Beyrouth aujourd'hui. Celui qui veut juste poser son acte architectural sans se préoccuper de ce qu'il y a autour, au bout du compte. Oui, tout à fait. C'est un peu ce qui est prôné par une figure comme Koulas. Voilà, fuck the context. Donc il n'y a pas de contexte. Et puis l'architecte fait ce qu'il veut. Et quelque part, bon, ça, en tant que tel, c'est une manière spontanée de construire qui se fait sans ordre urbain préalable. Cet ordre urbain étant lui-même une illustration de la faiblesse de l'État au Liban, c'est-à-dire que l'État est, en tant qu'État-providence, quasiment inexistant. N'importe quel entrepreneur est plus puissant que l'État, il peut imposer ce qu'il veut sur la chaussée publique, et donc évidemment au détriment d'une vision, disons, ordonnée de la ville. Une deuxième chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est que aussi cette floraison d'immeubles gigantesques, on a tendance à penser que bon, leur coût s'élève en plusieurs centaines de millions de dollars, donc au minimum on pourrait s'offrir de bons architectes. Et ce n'est pas le cas, et ce n'est vraiment pas le cas, à part peut-être une ou deux exceptions sur l'ensemble des centaines de bâtiments qu'on a vu éclore depuis 10 ans. Tous sont d'une qualité architecturale affligeante. Alors là, nous sommes vraiment dans une sorte de no man's land sur cette fameuse place des Canons. On a sur notre droite, derrière vous, Abid Debs, l'immense mosquée construite par Rafik Hariri. On a un peu plus loin le cinéma, qui est une sorte de bunker de béton, hein, une sorte là aussi d'endroit très important pendant la guerre, puisqu'on était dans un endroit où on se tirait dessus en permanence, et qui est juste en face de cette mosquée Rafik Hariri. Et on voit tout de suite, déjà dans un de ces immeubles qui est tout près de nous, une sorte de pastiche qu'on pourrait trouver peut-être à Las Vegas ou dans un endroit comme celui-ci, ou dans certains endroits comme Port Grimaud dans le sud de la France, une sorte de pastiche d'architecture traditionnelle recollée au milieu des immeubles qui ont été maintenus. C'est assez bizarre comme façon de faire de l'urbain. Où est l'histoire là-dedans d'ailleurs ? L'histoire de l'architecture, l'histoire de la ville, est-ce qu'on la voit encore cette histoire ici quand on est au milieu de cette place qui est pourtant la place la plus historique de Beyrouth ? Tout à fait. Et donc là, pour le quartier qu'on a en face de nous, il y avait à peu près 50% des bâtiments qui étaient des bâtiments anciens, avec une valeur patrimoniale, architecturale très intéressante, représentée en trois époques différentes, parce que vous avez, comme vous voyez ici, les maisons, disons les maisons à trois arcades, là, qu'on voit, là, à part la couleur mauve qui a un rajout, ces maisons sont des maisons authentiques, d'origine. Puis il y a eu la période Art déco qui au Liban a correspondu à peu près aux années, des années 20 jusqu'aux années 40, 45, avec de très très beaux spécimens aussi qu'on ne voit pas d'ici mais qui sont en cœur de quartier. Et même des certains immeubles du début de la période moderne qui sont aussi assez intéressants architecturalement. Donc le parti pris au départ dans le plan d'urbanisme, c'était de réhabiliter les immeubles historiques et construire les autres, c'est-à-dire les trous restants de ces immeubles, d'une manière contemporaine, mais calme, low-key, comme disent les Anglais, donc d'offrir une lecture authentique. Ce qui s'est passé, hélas, c'est que la construction de toutes ces nouvelles maisons a été confiée à un seul architecte, qui n'est autre que Françoise Poëri, qui a fait Port Grimaud en France. Ah ben, je ne savais pas, voilà. Donc voilà. Voilà, qui ici a encore eu une interprétation tout à fait personnelle de la grammaire architecturale ancienne. Parce que déjà, la différence avec Port Grimaud, c'est qu'à Port Grimaud, il a adopté le langage architectural de la côte varoise. C'est bien intégré. Donc, alors que là, effectivement, pour les architectes comme nous, qui avons un peu l'œil aguerri... Et pour les non-architectes comme moi, il y a quelque chose qui... Ça nous dresse les cheveux sur la tête de voir, par exemple, les trois arcades, c'est le code... Ça signifie que c'est un salon qui est derrière, c'est le hall central qui est derrière. Ici, on a cinq arcades. C'est vraiment de... it's no good, si vous lisez les bandes dessinées. C'est un peu l'impression que ça nous fait. C'est du carton-pâte. Qui en est venu poser. Et du coup, plus personne ne reconnaît les immeubles, enfin l'architecture authentique de ce quartier. Voilà. Cécilia Pierry, à la fois sur ce qu'on voit, là, cette entrée de Saïfi Village, sur cette immense boule de béton, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, ce très grand cinéma dont on ne sait que faire, il est au cœur d'une place, il a été criblé d'obus de mortier, il est encore debout comme un bunker, et puis sur aussi cette très grande mosquée voulue par Rafik Hariri, comment ça fait de l'urbain tout ça ? C'est-à-dire, ça fait de l'urbain de façon spontanée et de façon sporadique. Par exemple, le soir de la fête de la musique, il y avait beaucoup d'orchestres ici. C'est quand même un lieu où il y a les manifestations politiques très importantes, assez souvent. Alors, pas toujours tous les partis, mais ça veut dire que quand même, il y a un besoin de centralité à Beyrouth et que quand même, quand un certain nombre de gens veulent se retrouver à Beyrouth pour des manifestations, c'est là qu'ils viennent. Parce que c'est d'ailleurs un des rares endroits un peu vide. Ce qui est triste, je trouve, c'est que cette place qui, en fait, est une esplanade, et pas seulement une place, est coupée en sa moitié et en son tiers par des constructions qui poussent et qui vont être, une fois de plus, du bureau, de la résidence extrêmement chère et, au fond, une autoroute. Donc, il n'y a pas de réappropriation ni de réutilisation, ni de véritable reconversion. Il y a de temps en temps des phénomènes d'appropriation spontanée, mais ça ne suffit pas, en effet, à faire de l'urbain. On avance encore un peu dans cette promenade dans Beyrouth. Voilà, avec vous, Habib Deb, c'est Cécilia Pierry au cœur de Saïfi Village, donc un quartier de 6 hectares, juste en périphérie de la place des Canons, place des Martyrs, quartier ancien, rénové. Les couleurs sont des couleurs ocre, jaune pâle, rouge tuile, par exemple, ou rouge brique. Et ce sont des bâtiments anciens, très bien rénovés, avec un bâtiment derrière nous, fait par Spoeri, qui lui, effectivement, fait partie de ces pastiches, peut-être, sur cette petite place de l'architecture orientale. Là, on est quand même dans l'histoire de l'ancien Beyrouth, tout de même, à Bibdebs. Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette place n'existait pas, en fait. J'ai proposé d'oublier l'immeuble qui était là, puisque dans Solidaire, il y a une seule grande parcelle. Donc, l'immeuble, les mètres carrés à construire qui devaient avoir lieu ici, en fait, ont pu être portés un peu plus loin. Et donc, du coup, cette place a pu exister. Alors, c'était nécessaire pour ce petit quartier qui a un petit coin de vue comme celui-là. On n'en voyait pas bien l'utilité au départ, mais aujourd'hui, on en ressent vraiment la nécessité. Effectivement, cette place est entourée d'immeubles authentiques, anciens, différentes périodes de l'histoire de Beyrouth, qu'on peut lire à travers les façades de ces immeubles. Des petits immeubles d'un étage, généralement. Le plus gros derrière nous et derrière vous, Cécilia Pierry, fait 3 étages. C'est un gabarit modeste pour une petite ville qui était une petite ville jusqu'au moins au début du mandat, en l'occurrence. Oui, c'est-à-dire qu'ici, je pense que c'est un des rares endroits où on a une idée de ce à quoi pouvait ressembler la ville de Beyrouth avant la guerre civile. Ça fait très ville levantine, notamment avec cette place, même si cette place n'existait pas auparavant. On est vraiment dans la culture méditerranéenne ici. La seule chose, c'est que compte tenu du prix au mètre carré, eh bien, les gens qui habitent Saïfi ou qui louent Saïfi, une fois de plus, ne sont pas des Beyrouthins. Et donc, chaque fois que je passe dans Saïfi, je suis assez frappée de voir que quand je prends des photos, les principaux habitants, les principaux personnages dans les rues sont les vigiles, il y a quand même un vigile tous les 50 mètres, et les femmes de ménage ou les bonnes des familles qui habitent ici. Donc c'est pas très vivant, ça me fait vraiment penser, c'est très emblématique de Beyrouth, du Beyrouth reconstruit, c'est-à-dire quelque chose de ravissant, un très beau décor, mais qui finalement a perdu sa vitalité. Dans le plan d'urbanisme, nous avons imposé que ce quartier soit quadrillé par des voies publiques, qu'il n'y ait pas de porte à l'entrée du quartier. Donc ces rues peuvent être traversées, c'est le domaine public, les gens peuvent traverser dans tous les sens. D'ailleurs, quand il y a un embouteillage, on voit très bien des petits camions qui passent par là. Bon, ça c'est le côté un peu négatif. Mais disons que ces maisons, en fait, elles sont représentatives quand même d'un mode de vie qui aujourd'hui est dépassé. C'est-à-dire que ces maisons de 2 étages, c'était des maisons de famille où il y a 3 frères qui habitaient l'un au-dessus de l'autre. Ou aujourd'hui, par exemple, la maison qu'on a en face, c'est le fils du premier banquier du pays qui habite là-dedans, qui l'a aménagé d'une manière assez remarquable d'ailleurs. Mais effectivement, c'est au niveau des usages qu'il y a une gentrification qui est claire. Hein. De toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, je veux dire, comme beaucoup d'autres villes autour de la Méditerranée dans le monde, c'est la partie qui se veut un peu un accès à la globalisation, à la mondialisation. C'est le Beyrouth qu'on vend aux firmes internationales qui voudraient s'installer ici ou à l'opinion en général. Beyrouth, voilà, c'est notre Beyrouth. Alors que pour les Beyrouthins, c'est des quartiers qu'ils fréquentent très très peu. C'est des quartiers où on vient très rarement. Par exemple, la rue Mahalat, c'était principalement une fréquentation de touristes étrangers qui venaient. Donc c'est un peu... un décor. C'est un peu un décor, mais comme là où on était tout à l'heure, à la place Samir Kassir aussi, c'était un décor. Et mais il y avait quand même ce souci du décor. Bon, ce souci du décor qui fait qu'on est arrivé là. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, avant de construire, de réfléchir un tout petit peu pour essayer de produire quelque chose qui est un peu plus intéressant et en fait qu'on a complètement perdu à l'extérieur. Donc un extérieur plus authentique, mais une jungle totale de béton. Et ici, un décor qui est beaucoup plus agréable en termes de visuel, esthétique, mais qui n'est pas vécu par la population de la ville. Voilà. On va passer un peu plus loin et rejoindre la rue Monod, qui est une rue importante, qui rejoint en particulier la Maison Jaune, qui sera le terme de notre visite dans ce vieux Beyrouth reconstruit. Changement de décor pour cette promenade dans le Beyrouth de la reconstruction. On a passé le haut de la place des Canons avec une immense autoroute urbaine qui barre ce haut. On est passé sous cette autoroute urbaine pour pouvoir nous retrouver dans le haut de la rue Monod. Nous sommes en direction donc de la Maison Jaune qui sera le terme de notre promenade dans Beyrouth. Et là, nous sommes dans une petite place, un parking, donc un peu particulier, parce qu'il y a tout autour de nous, Habib Deb, c'est Cécile Pierry, il y a tout autour de nous, disons, une gamme architecturale extrêmement intéressante, ainsi que la destruction liée à la guerre, puisque derrière nous, on voit des immeubles qui ont été détruits par cette guerre, et une sorte d'immense terrain vague. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette place, de ce qu'on trouve autour, et de cet urbanisme béroutin qui est autour de nous, Cécile Pierry? Là, je crois qu'on rentre, en fait, dans Achrafieh, on est au bas de la colline d'Achrafieh, qui est un quartier qui pourrait, disons, se situer, pour comparer avec Paris, un peu comme Neuilly, c'est-à-dire que c'est au bord du centre et on a tout de suite de la verdure. Donc un quartier très résidentiel, des maisons entourées de jardins. C'est pour ça que quand il y a un terrain vague, il y a tout de suite beaucoup de verdure. Et c'est une des caractéristiques de ce quartier, mais qui est en train de la perdre. Puisque précisément, dans ce quartier, on peut construire en remembrant les parcelles, en les regroupant. Et donc on a le droit de construire des tours comme celle qui pousse derrière, qui va faire 52 étages. Moi, j'aime beaucoup cet endroit parce qu'il donne à voir une espèce de tranche de différents styles architecturaux. Il y a pas très loin le bâtiment des Frères, il y a en face le bâtiment du groupe politique les Kataeb, c'est-à-dire les Phalanges. Ici, une très jolie maison qui date de l'après-guerre. Derrière, un immeuble qui est recouvert d'aluminium. Des karaokés qui fonctionnent encore. Donc c'est quand même une rue qui a une vie nocturne dans un décor où on sent encore beaucoup les destructions de la guerre, comme ces pylônes de béton avec le fer. Donc je trouve que c'est assez représentatif du Beyrouth meurtri, mais vivant. Oui, Habib Debs meurtri, vivant. On voit surtout une sorte d'empilement d'architecture, cette très belle maison qui date après 1918, c'est ça, après au tout début du mandat, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Pour la décrire, cette maison, elle a de très grands balcons filants qui filent tout au long du corps central, et puis de très hautes, de 3 ou 4 mètres, colonnettes qui soutiennent le balcon superposé au-dessus pour pouvoir justement donner un caractère un peu aérien à cette maison. Tout à fait. S'il y a deux remarques qui viennent à l'esprit, la première au sujet de l'architecture, c'est qu'effectivement, ce sont des bâtiments, disons, qui sont construits en béton, mais avec du béton qui singe la pierre. C'est des moules de colonnes, pas d'ordre classique, mais enfin, disons, c'est propre un peu. On retrouve ça dans le sud de l'Italie. D'ailleurs, souvent, ceux qui faisaient ça, c'était des stuccatori italiens qui venaient au Liban dans les grandes familles et qui faisaient ces maisons. Donc, un certain éclectisme au niveau de l'architecture, mais quand même une échelle qui permet à tous ces toutes ces maisons de former ensemble un quartier intéressant avec des rues, avec une ambiance de rue. Voilà, est-ce qu'on peut dire que ce Beyrouth a été sensible au mouvement moderne? On a derrière nous effectivement un immeuble un peu art déco, pourrait-on dire, qui doit dater des années 30 ou des années 40. Est-ce qu'il y a eu là aussi des tentatives liées au mouvement moderne après Le Corbusier de créer quelque chose d'un peu nouveau dans un Beyrouth qui était déjà un Beyrouth colonial? Oui, tout à fait. Disons que les maisons qu'on voit ici sont des maisons art déco, donc qui sont pas vraiment déjà dans la ligne corbusienne ou dans la purification du mouvement moderne, disons, de l'architecture, qui aussi est représentée à Beyrouth, mais qu'on voit un peu plus loin. Par exemple, il y a certains bâtiments dans la rue Monod, dont par exemple celui qui est ici, qui sont plus proches du style moderne international. Mais disons que de ce point de vue, Beyrouth est une ville éclectique, c'est-à-dire que c'est comme une éponge qui a aspiré différentes traditions constructives, selon que les gens qui construisaient, c'était souvent des gens qui venaient d'Italie ou des Français qui étaient là, ou des Libanais qui ont aussi voyagé et construit. Les Libanais ont toujours été très ouverts à différentes influences culturelles venant de tous les sens, en fait. Et peut-être que ce que dirait Robert Saliba, qui a écrit un livre là-dessus, c'est quand même la seule manière dont on peut traiter l'architecture de cette période-là, est le mot éclectique. Cécile Pierry, tout compte fait, cet accueil que Beyrouth a fait aux architectes étrangers de tradition, d'une certaine façon, cet accueil qui remonte loin, à la fin du 19e siècle, à la création du Beyrouth moderne dans les années au tournant du 19e et du 20e. Tout compte fait, on pourrait se dire aussi Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer avec la reconstruction de Beyrouth, accueil d'architectes étrangers, comme on a accueilli les architectes du mouvement moderne, comme on a accueilli les architectes art déco, pourquoi pas accueillir justement les architectes d'aujourd'hui dans un Beyrouth qui se reconstruit complètement. Oui, mais ce n'est pas le problème d'accepter ou ne pas accepter des architectes étrangers. Je crois qu'en effet, une ville, la pureté d'une ville, c'est un pur mythe à tous les points de vue. Et heureusement que c'est un mythe. Mais le problème, c'est qu'il y a une question de disproportion entre ce qui est construit et le contexte urbain qui l'accompagne. Par exemple, les tours qui démolissent des maisons avec des jardins à Achrafieh, ça pose d'énormes problèmes en termes de circulation, en termes de voirie et réseaux divers, en termes environnementaux, parce que beaucoup d'entre elles sont constituées de verre. Donc, par exemple, la température urbaine de Beyrouth est en train de monter. Donc, ça pose des problèmes de pollution, de pollution sonore. Et en plus, la plupart du temps, ces tours sont, comme celles d'ailleurs du centre ville, sont des tours que les gens achètent plutôt pour des investissements. Donc ça ne correspond pas, si vous voulez, à une vie habitée. Donc quand on détruit une maison qui est habitée par 10 locataires que l'on fait partir avec des indemnités, on la remplace par une tour qui a 30 étages, mais où seuls 10% des appartements sont habités en permanence. Donc ça change tout. À Vipdeps, Cécilia Pierry, nous sommes donc dans le bas de la rue Monod. Nous sommes en train d'arriver à la Maison Jaune, qui est le terme de notre itinéraire, dans ce vieux Beyrouth reconstruit en partie. La rue Monod, elle est juste sur la ligne de démarcation. Donc pendant la guerre, pendant 15 ans, personne n'habitait ici. Et la vie s'est réinstallée. Et donc les appartements sont assez prisés dans Beyrouth, dans cette rue-là. À cause de ce caractère. Et du coup, ça a entraîné les restaurants, puis les restaurants ont entraîné les bars, les karaokés, donc c'est devenu une rue à faire la fête. Avec des jeunes à faire la fête. Et même cette vague-là est passée maintenant, et la rue est un peu... une vieille dame tranquille quand même dans la ville, avec quelques restaurants assez chics, mais qu'on aime bien. Enfin, moi, j'aime bien cette rue. Cécilia Pierry, ce qu'on a sous les yeux, c'est deux très beaux immeubles, et peut-être d'autres qui sont aux alentours, ne vont plus être là l'année prochaine, par exemple. L'année prochaine, je ne sais pas. En fait, il y a quatre parcelles, deux qui sont le long de la rue Monod et deux qui bordent la rue de Damas. Ça forme donc tout un îlot. Qu'on ne voit pas ici parce que c'est fermé, mais il y a à l'intérieur plusieurs petites cours avec des arbres. Et comme les vérandas au rez-de-chaussée ont des colonnes, en fait, on passe très facilement de la maison à la cour et de la cour à la maison. Et donc, quand ces immeubles qui étaient des immeubles habités par des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, il y avait un côté quand même très populaire et très convivial et très familial. Moi, je suis depuis 2 ans. Donc, les 4 parcelles ont été achetées il y a 2 ans. Pour le prix de 10 millions de dollars. Il est prévu de faire à la place une grande tour avec un podium de boutique. En même temps, comme cet ensemble est juste mitoyen pratiquement de la Maison Jaune, donc du musée, du futur musée, pour l'instant, le permis de démolir est suspendu. Mais jusqu'à quand ? Oui, parce que vous vous battez, vous et d'autres, ici, dans Beyrouth, à Vipdeps, pour... maintenir ce qu'il est possible de maintenir face à une urbanisation galopante, une volonté de faire monter les étages, de s'enrichir aussi en remplaçant des maisons à 3 étages par des tours de 25 ou de 30 ou de 40 étages, donc en densifiant considérablement cette partie de Beyrouth en particulier. Oui, c'est un peu une lutte impossible, disons, entre... Goliath et David, mais ça ne marche pas. Parce que, disons que le plan d'urbanisme de Beyrouth permet de construire une très forte densité dans ces quartiers. Donc le droit des gens, c'est de démolir et de construire. Malheureusement, on essaye de faire évoluer la législation, ce qui est extrêmement difficile. On a quand même réussi sur l'un des quartiers, Jemaisé, qui est peut-être encore le plus cohérent dans Beyrouth, à faire passer quelques règles, dont notamment l'interdiction de grouper des parcelles, de remembrer. Donc du coup, construire de grosses tours n'est plus possible, parce qu'il faut au moins 5-6 parcelles pour pouvoir le faire. Donc le tissu se renouvelle, mais disons dans le gabarit, dans les proportions naturelles dans ce type de rue. Dernière étape de notre promenade dans ce Beyrouth, patrimoine, histoire, conservation, destruction de Beyrouth. Avec vous, Cécilia Piri et Habib Debs, nous sommes dans un petit restaurant, un petit café juste qui donne sur l'arrière de la Maison Jaune. Alors pourquoi cette Maison Jaune est-elle importante pour notre histoire du patrimoine? C'est important, Habib Debs, que d'être dans cet endroit-là, ou Cécilia Piri? Oui, c'est très important parce que cette maison, d'abord, représente un fleuron architectural du Beyrouth des années 20 et 30. Elle a été en partie construite par Joseph Aftimos, un grand architecte libanais. Et donc, elle se trouve à un endroit stratégiquement très important puisqu'elle fait l'angle entre la rue de Damas et l'avenue de l'Indépendance. Et la rue de Damas était la ligne de démarcation pendant la guerre civile, entre l'Est et l'Ouest. Et comme elle était en permanence visée par les tirs, elle a fini par être abandonnée par ses habitants et par servir de lieu d'abri à des snipers qui pouvaient, compte tenu de la forme de la maison et de son orientation, qui avait un angle pratiquement de 200 degrés ou 220 degrés, et qui pouvaient donc en tirer très loin en étant protégée au fond de la maison. Donc elle a abrité jusqu'à 150 snipers. Le fait qu'on ait voulu en faire un musée de la mémoire, un musée de la ville, un musée de la guerre civile, est d'autant plus important qu'il se trouve en haut de la rue de Damas et qu'en bas de la rue de Damas se trouve le musée national de Beyrouth, du Liban, où on a effacé toutes les traces de la guerre civile. Et donc, une archéologue a pu me dire un jour que le musée national, c'était un musée sans mémoire, alors que le musée de Beyrouth sera un musée de la mémoire. Alors, cette histoire est une histoire passionnante, Habib Debs. Donc, cette maison est une maison symbolique. C'est pour ça qu'on a voulu la mettre sur notre parcours dans cette histoire de Beyrouth et de sa reconstruction. Parce que d'abord, c'était donc une maison du lieu de la confrontation, de cette guerre civile qui s'est déroulée dans cette ville de Beyrouth. Et qu'aujourd'hui, ça va être un lieu de la mémoire de cette confrontation, de cette guerre civile, par la réhabilitation de cette maison, la transformation en centre culturel qui racontera l'histoire de la ville et l'histoire de cette guerre civile dans cette ville, en l'occurrence. Oui, tout à fait. C'est le programme est même plus ambitieux puisqu'il l'envisage... D'une part, bon, ce qu'il faut dire, c'est que cette maison en tant que telle, avec sa carcasse et les stigmates de la guerre qu'elle porte aujourd'hui dans ses façades, qui vont être préservées telles quelles. Mais c'est quand même une maison particulière, d'un côté de par sa qualité architecturale. Elle est intéressante parce qu'elle a été transformée pendant la guerre dans un sens assez intéressant, c'est-à-dire que tous ces balcons, ces grands balcons sur les différentes rues, qui faisaient partie du mode de vie des habitants, où comme il fait chaud, on reçoit sur le balcon pour mieux voir les rues, les différentes rues qui sont dans le... Voilà, donc il y a ce désir d'ouverture qui a présidé à cette architecture. Et sa transformation au moment de la guerre par les miliciens, qui l'ont transformée donc en machine de guerre. Donc pourquoi ? Effectivement, parce que cette maison qui est à l'angle, on arrivait à voir les trois rues à partir de cet endroit-là. Donc on a disposé des sacs de sable, coulé du béton pour en faire des bunkers. Et donc ces mêmes conditions entre la paix et la guerre ont pris lieu dans la chair de cette construction. Et l'objectif un peu du musée, c'est effectivement d'essayer de garder ces témoignages de l'histoire. La manière dont le concept pour ce bâtiment a été posé à l'origine par Raphaël Ziadeh, donc une architecte française d'origine libanaine, voilà, qui c'était que le premier étage, c'est l'étage de l'émotion. C'est-à-dire c'est là où on voit tous ces dispositifs de guerre. Le deuxième, c'est celui de la connaissance historique, parce qu'après l'émotion, il y a la raison. Et la raison, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, à ces dates butoirs, avec toute la difficulté qu'il y a pour raconter en une seule manière l'histoire de cette guerre. D'ailleurs, c'est le musée, non pas de la mémoire, mais des mémoires, parce que les mémoires, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de destins qui sont mêlés au sein de ce bâtiment. Donc Youssef Haïda, qui est l'architecte de cette maison, est en train de mener ce travail d'architecture. C'est que cette maison devait être rasée, hein, elle devait être démolie, et par les propriétaires de la maison n'en voulaient plus, et comme on pouvait construire beaucoup mieux et plus cher, donc forcément la décision a été prise de le démolir. Et ça a été le combat d'un petit groupe de protecteurs du patrimoine, dont Mona Halla, qui a mené pendant plusieurs années le combat pour la préserver. Elle a été voir les différentes ambassades, etc. Donc beaucoup de des interventions politiques, ce qui fait que finalement, c'est rarissime dans l'histoire de la ville de Beyrouth, une décision a été prise de protéger ce bâtiment et donc son rachat par la municipalité et sa transformation en musée de la mémoire. On est auprès de la ligne de démarcation, du côté de la Maison Jaune, à l'endroit où plein de gens sont morts pendant cette guerre civile. Comment peut-on aujourd'hui à la fois maintenir la mémoire de cette ligne de démarcation tout en faisant en sorte que les quartiers soient recousus au-dessus de cette ligne de démarcation pour qu'elle ne demeure pas une sorte de cicatrice urbaine. Vous y travaillez, Bill Debs? Oui, tout à fait. La priorité va évidemment aux retrouvailles, à la réconciliation, c'est-à-dire que ces espaces qui aujourd'hui, la rue de Damas aujourd'hui est un couloir, un corridor de trafic dans la ville, mais elle pourrait jouer un rôle tout à fait différent parce qu'il y a de grandes densités de population de part et d'autre, il y a des universités qui sont directement articulées sur cette voie, donc il y a un potentiel très important de transformer cette rue finalement en quelque chose de plus intéressant qui ne soit pas juste un couloir de transit. Donc partant de là, donc, effectivement, créer des lieux publics donc animés est une chose relativement facile à expliquer, mais par contre, vouloir garder les traces de la guerre est souvent plus compliqué. Donc ça va être un projet pédagogue, c'est-à-dire c'est un projet où effectivement il y a un devoir de mémoire, où effectivement certains signes de cette, disons, à la fois de ces façades criblées de balles ou de ces ficus qui ont repris le dessus. Les ficus ont poussé dans la rue pendant la guerre, personne ne les embêtait. Et avec un jeu de signes un peu subtil, rappelant aux gens, effectivement, aux nouvelles générations qu'il y a eu une guerre et c'est important qu'ils se souviennent. Et d'autre part, d'en faire un lieu de comment dirais-je, un lieu de vie dans Beyrouth aujourd'hui. Merci d'avoir accepté, Habib Debs ainsi que Cécilia Pierry, de nous conduire dans cette promenade à travers le Beyrouth, de la reconstruction, de la destruction, de la patrimonialisation. Nous avons terminé donc juste à côté de cette maison jaune qui va devenir le lieu de la mémoire de la guerre dans cette ville de Beyrouth. Merci à tous les deux. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marivana Bolivier et Aurélie Marcet. La prise de son à Beyrouth était assurée par Laurent Groux, le mixage à Paris par Amandine Grevose et la réalisation par Renaud Dalmar. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion, la télécharger dans l'année qui suit et laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Et bien demain, nous continuons cette semaine consacrée à l'histoire des ruines en nous demandant comment les préserver, que ce soit des ruines antiques comme celles de Pompéi ou des ruines beaucoup plus récentes, celles du XXe siècle.